Denise tremblait quand il lui criait furieusement. « Larry fichu, entendez-vous? Il n'y a plus un manche propre. On fait des bâtons, mais des manches, c'est fini. Trouvez-moi un manche, et je vous donne 20 francs. » C'était son orgueil d'artiste. Pas un ouvrier à Paris n'était capable d'établir un manche pareil au sien, léger et solide. Il en sculptait surtout la paume, avec une fantaisie charmante, renouvelant tous les sujets, des fleurs, des fruits, des animaux, des têtes, traités d'une façon vivante et libre. Un canif lui suffisait. On le voyait, les journées entières, le nez chaussé de besicles, fouillant le buis ou l'ébène. « Un tas d'ignorants, disait-il, qui se contentent de coller de la soie sur des baleines. Ils achètent leurs manches à la grosse, des manches tout fabriquées, et savent ce que ça veut. Entendez-vous? L'art est fichu !» Denise, enfin, se rassura. Il avait voulu que Pépé descendît jouer dans la boutique, car il adorait les enfants. Quand le petit marchait à quatre pattes, on ne pouvait plus remuer. Elle, au fond de son coin, faisant des raccommodages, lui, devant la vitrine, creusant le bois, à l'aide de son canif. Maintenant, chaque journée ramenait les mêmes besognes et la même conversation. En travaillant, il retombait toujours sur le bonheur des dames. Il expliquait sans se lasser où en était son terrible duel. Depuis 1845, il occupait la maison, pour laquelle il avait un bail de 30 années, moyennant un loyer de 1800 francs. Et comme il rattrapait 1 millier de francs avec ses 4 chambres garnies, il payait 800 francs à la boutique. C'était peu. Il n'avait pas de frais, il pouvait tenir longtemps encore. À l'entendre, sa victoire ne faisait pas un doute. Il mangerait le monstre. Brusquement, il s'interrompait.